À part la voiture de notre directeur, est-ce que quelqu'un aurait de l'essence, un truc comme ça? Non. Là, il y a un feu de palette qui va démarrer bientôt, en dépit de l'humidité ambiante. Ah bah voilà. Va démarrer au fumigène, le feu de palette. Faut être inventif. C'est beau. C'est beau. Toi, t'es blouse noire. Oui. T'as fait partie du mouvement des blouses noires dès l'année dernière sur la lutte de l'hôpital du Rouvray. L'origine, oui. Ouais. Tu peux expliquer les blouses noires C'est un collectif de soignants qui est né à l'hôpital du Rouvray, qui était un peu... au départ, en fait, on a monté ça pour être un peu complémentaire des syndicats, pas être... à essayer de faire des actions un peu différentes et puis pouvoir filer un coup de main au syndicat sur l'hôpital et bouger un peu sur l'extérieur, donc pas rester que sur notre hôpital et militer un peu avec d'autres groupes et d'autres collectifs. Notamment, il y avait eu pas mal de liens de solidarité avec les gens de Janet, au Havre, il me semble, avec les gens d'Amiens aussi, Pinel. Ouais, Pinel, Amiens, Paris, la psychiatrie parisienne unifiée, Pinel en lutte, les Perchés, enfin il y a eu pas mal de collectifs comme ça qui sont nés à ce moment-là. Et du coup, on a beaucoup de liens avec eux, on les voit régulièrement, on arrive à faire des actions tous ensemble. Et il y avait eu, je me rappelle, le blocage du pont de Normandie, qu'est-ce qu'il y avait eu d'autre comme... Ouais, on avait fait pont de Normandie, on avait fait un hôpital de campagne sur le rond-point des Vaches. On a été les premiers à utiliser le rond-point des Vaches. On a fait pas mal de petits trucs comme ça, pas mal d'actions qui changeaient un peu des actions des syndicats. Donc on a un peu moins de soucis de légalité, de soucis avec notre hôpital, parce qu'on n'a aucune existence officielle. Donc c'est plus facile pour nous. Et puis on fait pas mal de réseaux sociaux pour informer un peu les gens qui nous suivent sur les actions, sur les trucs de prévus. L'année dernière, ça avait permis de mobiliser des gens qui n'étaient pas syndiqués et qui du coup se retrouvaient. C'est ça, c'était un peu le principe aussi. C'était un peu, les gens sont un peu... voilà, avec les syndicats, ils ont de plus en plus de mal, on avait l'impression. Donc nous, on a presque tous fait partie de syndicats pendant très longtemps. Et on se rendait compte du désamour un peu des gens pour les syndicats. Donc c'est vrai qu'un collectif, ça a permis un peu de mobiliser des gens qui n'avaient pas l'habitude d'y aller avec les syndicats. C'était le but. Et là, ce qui était quand même, on peut préciser, assez remarquable sur la lutte du Rouvray l'année dernière, c'était justement que c'était tous les syndicats y étaient, quoi. C'était une intersyndicale qui était sur cette lutte-là. Ouais, ça change. Et ça, c'est assez agréable pour tout le monde de voir que tout le monde est ensemble. Et c'était très important, c'est encore le cas aujourd'hui. On a la chance ici d'avoir des collègues CFDT qui sont aussi investis que les autres malgré les positions nationales. Donc tout le monde est ensemble et ça fait plaisir aux gens. Ça chauffe bien là, on va s'éloigner un peu. Et toi, tu es infirmier ici? Ouais, je suis infirmier depuis 9 ans ici. Et du coup, qu'est-ce que tu peux dire sur les conditions de travail à l'HP du Rouvray? J'ai encore de la chance que je travaille dans une unité un peu particulière, c'est l'UMD, c'est la seule unité où on a un peu de moyens et je pense que ça devrait être partout dans l'hôpital pareil. Mais pour une maladie difficile. Ouais. Donc nous, on a des moyens qui sont à part dans cet hôpital et donc on a la chance de faire encore de la psychiatrie correcte. C'est plus le cas dans toutes les autres unités. Et malgré la lutte de l'année dernière et le protocole qui a été signé, il n'y a rien qui a bougé. Donc c'est toujours très compliqué de se faire soigner dans notre hôpital. Là, une psychiatrie correcte, c'est quoi? C'est une psychiatrie avec des moyens humains, des moyens matériels pour pouvoir s'occuper correctement des gens. La psychiatrie, c'est du temps. C'est du temps passé avec les patients. Et là, on n'a plus le temps de le faire parce qu'on n'est plus assez. On a beaucoup de tâches administratives. Les locaux ne sont pas adaptés. Il y a énormément de soucis. Il n'y a vraiment pas grand-chose qui a bougé depuis la lutte de l'année dernière. Ton prénom, c'est quoi? Nicolas. Merci, Nicolas. De rien.